Chapitre 9e. Le 21 juillet, nous arrivâmes devant le canal qui sépare l'île de la Pentecôte de la terre méridionale, canal qui a environ 2 lieues de large. Toute la côte sud-ouest formait une plaine accidentée très belle et très étendue, de laquelle jaillissaient d'innombrables tourbillons de fumée et parsemés des bocages les plus riches qu'eussent jamais contemplés nos yeux depuis notre départ de Tahiti. L'aspect fertile de la contrée et le nombre des feux annonçaient que l'île était bien peuplée. Tandis que je cherchais à gagner l'amitié des naturels, ils surmettent un accident qui jeta partout la confusion. Un Indien, sur le refus qu'on lui avait fait de le laisser entrer dans l'un de nos bateaux, banda son arc pour tirer sur les canotiers une flèche empoisonnée. À ce moment, plusieurs de ses compatriotes l'en empêchèrent, et par là, j'eus le temps d'en être averti. J'accourus à l'instant, et je vis cet insulaire se débattre et échapper à l'étreinte de ceux qui voulaient le retenir. Il allait tirer sa flèche sur le canotier quand je le menaçais de dessus le pont. Mais loin d'en être intimidé, il dirigea son arc sur moi. Je le prévins en lui tirant un coup de fusil chargé de gros plomb. Ce coup le fit chanceler, mais ne l'empêcha point de bander de nouveau son arc. Une seconde décharge le lui fit tomber des mains, et les insulaires qui étaient avec lui dans la pirogue se hâtèrent de regagner le rivage à force de rames. Sur ces entrefaites, quelques Indiens tirèrent des flèches de l'autre côté du vaisseau. La décharge d'un mousquet en l'air ne les intimida point, mais un canon de 4 tiré par-dessus leur tête les mit promptement en fuite. La plupart quittèrent leur pirogue pour atteindre la côte à la nage. Ceux qui étaient dans la grande chambre sautèrent par les fenêtres, et une foule d'autres, qui se trouvaient sur le pont ou ailleurs, s'élancèrent par-dessus bord. Le 1er août, un petit accident causa de grandes alarmes sur le vaisseau. À 10 heures, on cria « Au feu !» À ce cri, la confusion et la frayeur se peignirent sur tous les visages, et le saisissement empêcha, dans les premiers moments, de prendre les précautions convenables pour arrêter les progrès de l'incendie. Heureusement, on éteignit bientôt ce feu. On crut d'abord qu'il s'était déclaré dans la chambre voile, mais nous reconnûmes ensuite qu'une pièce d'étoffe de Tahiti, laissée imprudemment trop près d'une lampe dans le poste du commis aux vivres, avait été la cause première de l'accident. Le 3, nous arrivâmes à environ 3 lieues d'un grand cap sur la côte sud-est de l'île que nous avions aperçu dès le 28. Ensuite, nous pénétrâmes dans une belle arche de plus de 8 milles sur 2 seulement de profondeur. Le 4, j'allais avec 2 bateaux examiner la côte pour reconnaître un endroit propre à la descente et à faire de l'eau et du bois. Les insulaires s'assemblèrent sous le rivage et par leurs signes, nous invitèrent à venir à terre. Ils m'offrirent de tirer les bateaux par-dessus les brisants de la pointe. Je ne doutais pas que cette offre fût amicale, mais j'eus ensuite lieu de changer d'opinion. J'étais assez content de leur conduite, et la seule chose qui put me laisser du soupçon, c'est que la plupart d'entre eux étaient armés de massues, de lances, de dards, d'arcs et de flèches. Par cette raison, j'avais continuellement l'œil sur le chef, et je n'observais pas moins attentivement ses regards et ses actions. Il me fit plusieurs signes pour aller le bateau sur le rivage, et il hésita pendant quelque temps à recevoir des clous que je lui offrais. Cela me fit suspecter quelques desseins, et je m'approchai aussitôt du canot dans l'intention de me rembarquer. Mais l'intention des naturels n'était pas que nous nous séparassions si vite. La planche ne se trouva malheureusement pas mise pour entrer dans le bateau. Quand ils virent que nous voulions rentrer à bord, ils s'en emparèrent. Mais comme ils ne l'emportaient pas, je crus que cela s'était fait par accident, et j'ordonnai de la remettre. Alors ils essayèrent de tirer le bateau sur le rivage. D'autres, en même temps, se jetèrent sur les rames pour les arracher des mains des matelots. En voyant que je leur présentais le bout de mon fusil, ils lâchèrent prise. Mais un instant après, ils revinrent pour aider notre embarcation sur la grève. Cependant, je ne voulais pas tirer sur la multitude, et je résolus de rendre le chef, qui était à la tête des assaillants, seule victime de sa perfidie. Mais, dans cet instant critique, l'amorce de mon fusil brûla sans que le coup partît. Quelque idée qu'ils se fussent formés auparavant de nos armes, ils ne devaient plus les prendre désormais au sérieux, et ils le prouvèrent en faisant pleuvoir sur nous une grêle de pierres, de dards et de flèches. Dans ces circonstances, je fus obligé d'ordonner de tirer. La première décharge les mit dans une grande confusion, mais une seconde fut nécessaire pour les chasser du rivage, et malgré ces fusillades, ils continuèrent de lancer des pierres en s'abritant derrière les arbres et les buissons. Sur 4 qui étaient tombés frappés sur le rivage, nous en vîmes 2 qui se traînèrent dans les broussailles. Heureusement pour eux, la moitié environ des mousquets fit long feu. Sans cela, il en serait resté sur place un plus grand nombre. L'un des nôtres fut blessé à la joue par une javeline dont la pointe était de l'épaisseur du doigt et qui, cependant, était entrée de 2 pouces. ce qui montre avec quelle vigueur ce trait avait été lancé. M. Gilbert fut atteint à la poitrine d'une flèche qui ne fit guère qu'effleurer la peau. Ces flèches étaient armées de pointes d'un bois dur. J'appelais cette pointe le cap des traîtres à cause de la perfidie de ses habitants. Le 5, au lever du soleil, nous découvrîmes une autre île dont les hautes terres formaient plateau. Nous avions vu pendant la nuit une lumière que nous reconnûmes alors provenir d'un volcan. Il exhalait encore beaucoup de feu et de fumée et produisait un bruit sourd qui s'entendait à une grande distance. En nous entretenant avec les insulaires, qui, comme ceux de l'île voisine, nous attaquèrent d'abord, mais avec lesquels nous fîmes la paix, ils nous dirent que leur île s'appelle Tana, mot qui signifie terre en langue malaise. Le soir, nous vîmes briller la flamme du volcan, et de 5 minutes en 5 minutes, nous entendîmes une explosion. Ce phénomène merveilleux avait déjà attiré notre attention toute la journée. Le bruit de quelques-unes des explosions égalait celui des plus violents coups de tonnerre. Il était suivi d'un fracas sourd qui retentissait pendant une demi-minute. L'air était rempli de fumée et de cendres. En l'espace de quelques heures, les ponts, les agrès et tout le vaisseau furent couverts de ces cendres noires. Le 14, nous partîmes plusieurs pour aller reconnaître le volcan d'aussi près qu'il nous serait possible. En y arrivant, nous creusâmes la terre dans l'endroit le plus chaud et nous plongeâmes le thermomètre dans une cavité d'où sortait de la vapeur. Après y être resté 1 minute, il s'éleva à 210 degrés Fahrenheit, ce qui est à peu près la chaleur de l'eau bouillante. Le 20, nous démarrâmes et nous reprîmes la mer. Ayant reconnu les diverses îles mentionnées par M. de Bougainville en 1760, je pouvais encore employer quelque temps à la découverte des terres situées entre cet archipel et la Nouvelle-Zélande, où je me proposais de toucher afin de rafraîchir mon équipage et faire assez d'eau et de bois pour une nouvelle course vers le pôle sud. Dans ce but, nous virâmes de bord et portâmes le cap au sud. Les îles septentrionales de cet archipel furent découvertes pour la première fois en 1606 par Quiros, navigateur célèbre. On les considéra comme faisant partie de ce continent austral que l'on croyait alors exister. M. de Bougainville reconnut que ces terres n'étaient point continues, mais formaient un amas d'îles qu'il nomma l'archipel des Grandes Cyclades. Comme nous avons déterminé non seulement l'étendue et la situation de ces îles, mais encore découvert plusieurs d'entre elles qui étaient restées inconnues, je crois avoir acquis le droit de les nommer et je les désignerai sous le nom de Nouvelles Hébrides. Le 1er septembre, au lever du soleil, après avoir couru toute la nuit au sud-est, nous perdîmes toute terre de vue. Nous nous préparions à traverser la mer du sud dans toute sa largeur, du côté de la pointe de l'Amérique. Après 3 jours de navigation, nous découvrîmes une grande terre sur laquelle aucun navigateur européen n'avait encore abordé. Le 5, au lever du soleil, l'horizon étant transparent, nous eûmes la vue distincte d'une côte qu'une chaîne de brisants paraissait défendre. Le pays devenait plus stérile à mesure que nous en approchions. Il était couvert d'une herbe sèche et blanchâtre. Les arbres, très clairsemés sur les montagnes, paraissaient tous avoir des tiges et ressemblaient à des saules. On n'y voyait aucune espèce d'arbrisseau ou de buisson. Nous remarquâmes aussi des habitations qui avaient la forme de ruches d'abeilles avec un trou pour entrer. Elles étaient exactement pareilles à celles des îles des Cocos et de Horn. À peine eut-on jeté l'ancre, que nous fûmes environnés d'une foule d'Indiens montés dans 16 ou 18 pirogues. La plupart étaient sans armes. Ils n'osèrent pas d'abord accoster le vaisseau, mais bientôt nous leur inspirâmes assez de confiance pour qu'ils s'en approchassent afin de recevoir des présents. Nous les leur descendions au bout d'une corde, à laquelle ils attachaient en échange des poissons tellement gâtés que l'odeur en était insupportable. Ces échanges formant entre nous une sorte de liaison, deux Indiens se hasardèrent enfin à monter à bord, et bientôt les autres remplirent le vaisseau. Quelques-uns s'assirent à table avec nous. Tout ce qu'ils voyaient leur causait une extrême surprise. Les chèvres, les cochons, les chiens et les chats leur étaient si inconnus qu'ils n'avaient pas même de mots pour les désigner. Ils paraissaient faire un grand cas des clous et des pièces d'étoffe. En général, ils admiraient tout ce qui était rouge, mais ils ne nous offraient rien en échange. Nous débarquâmes sur une plage sablonneuse, en présence d'un grand nombre d'indigènes venus là pour nous voir. Ils nous reçurent avec des démonstrations de joie et cette surprise naturelle chez un peuple qui voit pour la première fois des hommes et des objets dont il n'a pas encore l'idée. Plusieurs paraissaient affectés d'une espèce de lèpre et avaient les jambes et les bras prodigieusement gros. Ils étaient absolument nus. Quelques-uns avaient sur la tête des chapeaux cylindriques noirs faits d'une natte très grossière, ouverts aux deux extrémités et de la forme d'un bonnet de hussard. Ceux des chefs étaient ornés de petites plumes rouges et de longues plumes de coq noir. À leurs oreilles, dont le lobe atteint une longueur prodigieuse, comme à l'île de Pâques, ils suspendent une grande quantité d'anneaux d'écailles de tortue, ou bien ils mettent dans le trou des feuilles de canne à sucre roulées. Les insulaires n'essayèrent jamais de nous voler la moindre bagatelle. Ils se comportèrent envers nous avec beaucoup d'honnêteté. Plusieurs vinrent à la nage de la côte, éloignés de plus d'un mille. Ils tenaient d'une main hors de l'eau l'objet qu'ils voulaient nous offrir, et de l'autre ils fendaient les flots. Après différentes excursions, je retournai encore à terre, et sur un arbre voisin de l'Egade, près du rivage, je vis graver une inscription contenant le nom du vaisseau, la date de notre arrivée et de notre départ. J'ai observé cette formalité sur toutes les nouvelles terres que nous avons reconnues. Puis nous congédiâmes nos amis les naturels, et nous retournâmes au vaisseau, où je fis tirer à bord nos embarcations, afin d'être prêt le lendemain à reprendre la mer.